François Morel, c'est à vous. C'est une histoire qui n'a pas forcément fait la une des journaux. Il y est question de droit, de liberté. Heureusement, l'indispensable Fabrice Drouel s'est rendu compte du caractère emblématique de cette affaire sensible. C'est un voyage dont Élodie se souviendra longtemps. Un voyage en TGV entre Reims et Paris. C'est un matin de printemps, l'air est doux en ce 8 avril 2021 dans la Cité des Sacres, et Élodie a le projet de monter vers la capitale. Elle y va pour son travail, mais elle ne voyage pas seule, non. Elle voyage avec sa grand-mère, parce qu'elles sont inséparables toutes les deux. Élodie ne pourrait pas se passer de sa grand-mère. Et quand Élodie n'est pas avec elle, sa grand-mère a le sentiment d'être abandonnée, inutile. Ce sont deux amis, deux confidentes, deux complices. Quand on croise Élodie, on est presque sûr de rencontrer sa grand-mère, si imposante, si volumineuse. Toutefois, dans le regard des autres, Élodie ne peut s'empêcher de lire la stupeur chez ceux qui jugent sa grand-mère un peu trop encombrante. Il est vrai que du haut de son 1m80, la grand-mère d'Élodie ne passe pas inaperçue. Et c'est précisément ce que lui reprochera le contrôleur SNCF ce matin-là, qui verbalise la grand-mère d'Élodie pour occupation abusive de l'espace bagage. Oui, la grand-mère d'Élodie se plaît à voyager dans l'espace bagage, parce que c'est là qu'elle se sent à sa place, parmi les valises, les sacs à dos. La grand-mère d'Élodie n'est décidément pas une grand-mère comme les autres, car si elle mesure 1m80, son poids est de 8 kilos. Vous l'avez peut-être compris, la grand-mère d'Élodie est une contrebasse que tous les musiciens appellent la grand-mère depuis le piccolo et saxo de notre enfance. Et aujourd'hui, les grand-mères en ont ras-le-bol, elles en ont plein le dos d'érable, d'épicéa, d'ébène ou de fibres de carbone, car elles subissent une discrimination insupportable de la part de la SNCF qui distribue des amendes aux contrebassistes sous prétexte qu'ils ont eu le tort de ne pas avoir choisi le triangle, l'harmonica ou la flûte à bec comme instrument de prédilection. Monsieur le directeur de la SNCF, changez le règlement. C'est tout simple. Un bagage ne doit pas dépasser 1m30. D'accord, mais faites une exception pour les contrebasses et pour les harpes, aussi afin que les contrebassistes et les harpistes puissent voyager en train comme les autres musiciens avec leurs instruments. On n'imagine pas un orchestre sans contrebasse. On n'imagine pas un orchestre sans harpe. Ce n'est donc pas aux orchestres de s'adapter, mais à vous. Vous rappelez suffisamment souvent que la voiture pollue 50 fois plus que le train. Les contrebassistes, les harpistes n'ont aucune envie d'avoir un bilan carbone désastreux à cause de votre règlement injuste et partial. Monsieur le directeur de la SNCF, dès que vous aurez changé le règlement, tenez-nous au courant d'avance. Merci pour les grand-mères et merci Fabrice Drouel. Avec plaisir. Le défenseur des contrebasses et des harpes, François Morel, accompagné de Fabrice Drouel, qu'on retrouve Fabrice cet après-midi, 15h, sur Inter pour Affaires Sensibles. France Inter.